16e chapitre. Ploërmel et Jocelyn. De tout temps, une rivalité semble avoir existé entre ces deux cités voisines. Plus ancienne, Ploërmel devrait son nom à Saint-Armel, qui vivait au VIe siècle dans ce pays sauvage et boisé. Comme toutes les villes bretonnes, elle subit les atrocités de la guerre fratricide que se livrèrent Jean de Montfort et Charles de Blois. Conquise tour à tour par les Anglais et les Français, les catholiques et les protestants se battent dans ses murs et le duc de Mercœur, à la tête des ligueurs, l'assiège sans succès. Depuis, ses fortifications inutiles s'émiettent, font place à des faubourgs ou bien se transforment en étranges logis. La ville, que les hommes de guerre ne remplissent plus du fracas de leurs armes, végète doucement. Cependant, Ploërmel a été choisi comme sous-préfecture du Morbihan et se trouve doté d'un chemin de fer qui la relie à Rennes et à Nantes. Par les vestiges de son passé et sa situation dans un paysage pittoresque, Ploërmel mérite la visite du touriste et de l'artiste. Ces vieilles pierres ont leur histoire tragique et ces logis Renaissance, fortement encorbellés et naïvement sculptés, reçurent des hôtes illustres, Mercœur et Jacques II d'Angleterre. Deux lignes de chemin de fer conduisent à Ploërmel. L'une qui part de Questembert amène les voyageurs venant de Nantes, du pays Vannetais et de la Cornouaille, et l'autre, de la Brohinière, communique avec les lignes de Paris et de Brest. Ploërmel est bâti sur un plateau non loin de l'immense forêt de Pimpon qui, jadis, couvrait toute une partie de la Bretagne et qui, à présent divisée, a perdu son nom poétique de Brocéliande. L'ombre redoutable de l'enchanteur Merlin et les danses de Viviane n'animent plus cette forêt dont le silence est seulement troublé par le bruit des forges. Près de Ploërmel, l'étang au duc, imposante masse d'eau, est entouré de coteaux boisés. Ce qui reste des remparts se divise en deux tronçons. L'un, encastré dans des constructions plus récentes, a été converti en maison d'habitation. Une toiture recouvre les créneaux et les meurtrières, légèrement agrandies, sont vitrées pour servir de fenêtres. Un contrefort s'avance et surplombe un petit pavillon qui voisine avec un escalier extérieur, un appentis et une boutique de bourrelier. La toiture et les pans de mur disparaissent sous les mousses d'or et les plumets d'herbes rousses. Rue des Douves, contre les anciennes fortifications et formant avec elles un pittoresque ensemble, vous remarquerez une maison du XVIe siècle à sablières turiculées. Le deuxième étage, en encorbellement, est couvert sur une de ses faces d'ardoises délicieusement fanées qui ont pris, sous le soleil et la pluie, des tons d'améthyste, des reflets gorges de pigeons et sont posés sur ce vieux logis déchu comme une mosaïque précieuse. À quelques pas de là, dans une rue étroite, la maison des quatre soldats, assez bien conservée, offre son gui comme enseigne parlante. Qu'était-ce au juste cette demeure, hôtel, auberge ou corps de garde? Elle porte la date de 1586, l'époque de la Ligue, et un nom, I. Caro. En bas, deux cariatides d'hommes nus encadrent une devanture plus moderne. Puis au premier et deuxième étage, deux soldats tiennent par les cheveux des femmes nues. Un moine, un évêque et un bouffon à grelots sont accolés aux poutres. Ligueurs, huguenots et ribaudes s'y querellèrent et s'y divertirent sans doute. Beaucoup d'hôtels de la Renaissance, jadis logis de nobles ou d'officiers, appartiennent maintenant à des artisans. L'un est auberge, l'autre sert d'échoppe à un épicier ou à un savetier. Ainsi en est-il de la maison de Mercœur, restaurée récemment, avec sa lucarne richement décorée de personnages et d'attributs mythologiques, son portail d'une sobre élégance et ses croisées autour desquelles s'enroulait une vigne finement sculptée, mais que départ des volets et de grands carreaux. un peu plus loin sur la place de l'Union, au sommet du plateau dont la vue s'étend sur la campagne, vers Taupont et l'étang au Duc, une autre maison Renaissance, d'architecture sévère et d'aspect guerrier qui, à n'en point douter, faisait partie des fortifications, dresse ses hautes toitures et ses lucarnes. Il est à déplorer qu'une de ses façades ait paru un emplacement favorable à la publicité. Une tôle bleue qui la couvre presque entièrement apprend aux passants l'excellence d'un chocolat et d'une liqueur. Face à cette demeure, des halles antiques, massives, écrasantes, leurs piliers de granit supportent une lourde charpente et une toiture retombante. Les rues de Ploërmel, étroites, tortueuses, bordées de vieux logis ou de modernes et banales maisons, nous ramènent à l'église Saint-Armel, vraiment digne de notre admiration. Bien que reconstruite pendant le XVIe siècle, elle est d'un style gothique flamboyant à peu près pur. La façade nord, la plus remarquable, a été malheureusement mutilée à la Révolution et a souffert des pluies abondantes de Bretagne. La particularité de cette église, c'est que, semblable à une gigantesque lanterne, elle est éclairée sur toutes ses faces. Ce n'est plus la pénombre mystérieuse des édifices religieux. De magnifiques verrières versent à flots dans la nef et le chœur des lueurs de pourpre, d'émeraude, d'or et d'azur. La plus remarquable représente l'arbre de Jessé. Le coloris en est d'une richesse inouïe et les scènes, avec de nombreux personnages, en sont habilement composées. Dans l'un des bas-côtés, l'on remarque les statues tombales des ducs Jean II et Jean III provenant du couvent des Carmes, dont ils furent les fondateurs et les donateurs. Sur le sol, entre la sacristie et les marches de l'autel, le pied trébuche sur une dalle funèbre, à demi effacée, où se distinguent encore un blason avec un aigle déployé, une épée et une croix de Malte. Quelques rudes chevaliers dorment là son dernier sommeil, piétiné du clergé et des dévotes. La partie nord des remparts sépare Ploërmel de la campagne. De ce côté, la ville en surplomb sur la route se trouvait fortifiée naturellement. Aujourd'hui, des arbres séculaires lui font une ceinture de verdure. Le petit chemin de fer économique du Morbihan vous conduit lentement à Josselin. En quittant Ploërmel, il suit parfois le cours de l'Oust, qui est utilisé en cette région par le canal de Nantes à Brest. La vallée large et belle se déploie parmi les landes rocheuses que des touffes d'ajoncs rutilants illuminent. Lorsqu'on a passé l'après-midi à Ploërmel, il est 7 heures quand le touriste arrive à Josselin et, quelle que soit son habitude des voyages, des sites grandioses, magnifiques ou pittoresques, il ne pourra s'empêcher d'être saisi devant l'aspect romantique du château de Rohan. Le soleil couchant dort les 3 tours guerrières et en accuse les puissants reliefs. Sur le roc sombre qui lui sert de base, les valérianes lui font une tapisserie de hautes lisses somptueuses. Les toitures coniques s'élancent dans le ciel et le canal lent réfléchit la masse imposante du château dans son eau lumineuse. Les arbres de la terrasse, marronniers et acacias, se penchent, balancent leurs grappes vers le géant féodal et lui font des ombres bleues, légères et mobiles. Josselin doit son origine à un fait miraculeux. Jadis, au IXe siècle, croit-on, un pauvre laboureur qui vivait au bord de l'Oust, l'antique Oulda des Romains, dans une vallée inculte et sauvage, trouva au milieu d'un roncier une statue de la Vierge qui paraissait très vieille. Il l'emporta chez lui, mais le lendemain, la statue s'échappa et revint à la même place. Étonné du prodige, cet homme simple alla trouver un prêtre qui en référa à l'évêque d'Alette, Saint-Malo. Car autrefois, le pays de Porwet et Josselin, par conséquent, dépendait de Saint-Malo, tandis que le prieuré de Sainte-Croix et le faubourg situé sur l'autre rive de l'Oust appartenaient au diocèse de Vannes. La rivière limitait donc les 2 diocèses. L'évêque déclara qu'il fallait construire une chapelle à l'endroit même choisi par la Vierge. De là le nom de Notre-Dame du Roncier, que porte encore l'église de Josselin. De cette chapelle primitive, il ne reste que quelques piliers romans encastrés dans l'église, reconstruite au XIVe siècle. Le laboureur avait une fille aveugle, qui recouvra miraculeusement la vue par la puissance de la merveilleuse image. Bien d'autres prodiges s'accomplirent dans ce sanctuaire, si nous en croyons les ex-voto en cire qui sont suspendus dans la chapelle de la Vierge du Roncier. Le cartulaire de Redon nous apprend que Guéthénoc, comte de Porouette, songeait à transporter le siège de sa seigneurie dans une autre partie de son domaine, frappé sans doute de l'emplacement stratégique que lui offrait à quelques pas du nouveau sanctuaire, une masse rocheuse qui baigne à l'Oust, il y établit une citadelle et fortifia la cité naissante. Son fils Josselin acheva le château et donna son nom à la ville. Depuis, ce nom a toujours été donné au fils aîné des Rohan. En face du donjon farouche s'élevait le prieuré de Sainte-Croix par une antithèse assez fréquente à ces époques de guerre et de foi. L'on peut encore visiter sa chapelle romane. Dans le cimetière abandonné, une curieuse croix de granit surgit au milieu des plantes et des fleurs. Comme toutes les forteresses bretonnes, Josselin subit plusieurs assauts. Dès le XIIe siècle, Henri II d'Angleterre s'en empare et la détruit en partie. Puis, avec le comté de Porouette, elle passa successivement aux mains des Lusignans, de Philippe le Bel, du comte de la Marche, de Pierre de Valois et d'Olivier de Clisson qui épousa Marguerite de Rohan. Depuis lors, le château n'a point cessé d'appartenir à cette illustre famille. Mais le plus fameux épisode qui se rattache à Josselin est le combat des Trente qui eut lieu en 1351 entre les partisans de Charles de Blois et ceux de Jean de Montfort. Le sire de Beaumanoir commandait pour Charles de Blois la citadelle de Josselin lorsqu'ému de pitié par les maux qu'enduraient les paysans, marchands et artisans de la part des Anglais établis à Ploërmel, il résolut d'y mettre un terme. Mais ces justes remontrances n'ébranlèrent point Bamborough, le chef anglais. Les deux chefs décidèrent de se battre, eux et un certain nombre de chevaliers qu'ils désignèrent. Beaumanoir et ses 30 compagnons se rendirent au rendez-vous fixé au lieu dit de la mi-voie entre Ploërmel et Josselin, le long d'un genestret qui était vert et belle. Le combat fut si rude entre Bretons et Anglais que, de sueur et de sang, la terre rosoya. Un instant, Beaumanoir accablé demande à boire, et un chevalier lui répond « Bois ton sang, Beaumanoir, la soif te passera !» Bamborough tué et les Anglais défaits, les Bretons revinrent à Josselin, des branches de genêts à leur casque, et chantant à tue-tête la gloire de Saint Cadeau, le patron des guerriers. Sur la terre et dans le ciel, Saint Cadeau n'a pas son pareil. La chapelle Saint-Maudet s'élève, croit-on, sur l'emplacement du cimetière des chevaliers tués dans le combat, et un champ, non loin de là, porte encore le nom exécrable de Bamborough. Olivier de Clisson réédifia en partie la forteresse de Josselin et contribua à la reconstitution de l'église, édifice gothique remarquable, dont certaines parties récemment restaurées, comme l'oratoire d'Olivier, sont empreintes d'élégance et de charme. Le connétable commanda son tombeau et celui de sa très chère et aimée compagne Marguerite de Rohan, veuve du sire de Beaumanoir. Ce tombeau très remarquable avec ses deux statues couchées, son socle de marbre noir que décore des statuettes de moines pleureurs, fut mutilé à la Révolution. Une restauration insuffisante nous permet cependant de l'admirer dans l'église près de l'oratoire. Josselin, comme sa voisine Ploërmel, eut à souffrir des guerres religieuses. Les Huguenots établirent un temple dans le prieuré de Saint-Martin et fondèrent une sorte de corporation de tisserands dans un faubourg que l'on appelle encore la Huguenoterie. Josselin devint par la suite une petite cité paisible et aristocratique où hivernait la noblesse des environs comme en témoignent les maisons écussonnées. Le château de Rohan a été presque entièrement reconstruit au XVIe siècle. Sur les créneaux de la citadelle qui défendait l'Oust, on a habilement juxtaposé un étage orné de lucarnes flamboyantes qui annoncent déjà la Renaissance. Le château a donc gagné en hauteur et en élégance. Mais la rivière, qui baignait son roc lors des travaux nécessités par la canalisation, a été séparée du château par une chaussée, ce qui enlève du charme à sa situation romantique. Les fortifications ont été peu à peu détruites et remplacées par des maisons blotties peureusement à son ombre. La façade donnant sur la cour d'honneur est un chef-d'œuvre de grâce. C'est le gothique dans toute sa merveilleuse floraison. C'est l'exubérance sublime de la pierre avant de tomber dans les ornements touffus de la Renaissance. Les lucarnes doubles, avec leurs pinacles, leurs arcs boutants. La galerie a juré d'une infinie délicatesse qui répète avec un luxe et une variété inouïe de détails la fière devise des Rohan « à plus » sont admirables. Un peu en avant, dans la cour, l'antique donjon du fondateur du château vêt sa sévérité de vigne folle et de lierre amoureux des vieilles pierres. Fille du marquis et de la marquise de Vertillac, Madame la duchesse de Rohan, lettrée et artiste comme une grande dame du XVIIIe siècle, enrichit chaque jour les salles du château de souvenirs précieux du passé. Ainsi s'est constitué un intéressant musée qui complète la galerie des tableaux où revivent les ancêtres de la célèbre famille de Rohan. Au XVIIIe siècle, les Rohan, qui occupaient à la cour et dans de lointaines provinces de hauts emplois, laissèrent leur château à l'abandon. Ils menaçaient ruine et c'est seulement depuis 25 ans que Monsieur le Duc et Madame la Duchesse de Rohan ont entrepris une intelligente restauration. L'intérieur a été complètement refait avec un goût très sûr et un scrupuleux respect du passé. Le respect du passé est poussé si loin à Josselin que le duc de Rohan n'a pas craint de sacrifier son parc romantique pour le transformer en un sévère jardin dans le style du XVIe siècle. C'est peut-être l'unique exemple que nous en ayons en France. Bien différent des jardins d'Italie splendides et voluptueux, celui de Josselin ne nous offre que des rectangles de gazon au bord desquels sont plantés à large intervalle des arbres nains en boule, buis et ifs. Pas une fleur ne rompt cette sévérité. Sur les pentes des anciennes douves, des fleurs de lys et des dessins géométriques formés par des cailloux de couleur éclatent sur le vert des pelouses. Si l'on regrette la grâce légère des feuillages et le chatoiement des corolles, on ne peut s'empêcher de reconnaître que cette décoration austère pouvait seule convenir à la cour d'un château qu'une enceinte de tours guerrières défendait du soleil. De la terrasse, la vue suit le cours du canal où glissent sans bruit les chalands nonchalants et embrassent les coteaux boisés que dore le soleil et qui bleuissent à l'horizon. En face, au bord de l'eau, une rue aux pauvres logis marque l'ancienne route de Vannes par laquelle passèrent les troupes alliées et ennemies, anglais, bretons, catholiques, huguenots et, à la Révolution, Georges Cadoudal et ses terribles chouans. Parti du bas de la rivière, Josselin grimpe à l'assaut d'une colline et ses rues, ses maisons, ses tâches se superposent dans un pittoresque désordre. Presque toutes les maisons ventrues, penchées, hourdées ou sculptées sont de la Renaissance. Moins remarquables qu'à Ploërmel, leur ensemble est plus charmant. Dès que l'on s'écarte du centre de la ville, on a l'impression d'être dans un village. Les maisons se couvrent de glycines, de rosiers grimpants. C'est pour cela, sans doute, et pour sa campagne exquise, que Josselin est une des plus séduisantes petites villes de Bretagne. De même que le titre d'un mauvais opéra de Meyerbeer a donné à Ploërmel une célébrité, les aboyeuses ont popularisé le nom de Josselin. D'après la légende, la Vierge déguisée en mendiante et repoussée par des lavandières les aurait condamnées à aboyer ainsi que leurs descendants. Ce n'est qu'en 1728 que le premier cas de cette étrange maladie se produisit. Il fut miraculeusement guéri par la Vierge du Roncier. Depuis, chaque année, les aboyeuses viennent se faire exorciser le lundi de la Pentecôte dans l'église de Josselin. Mais comme ces pauvres hystériques se font de plus en plus rares, les aboiements se taisent peu à peu. La grande fête de Jocelyn a lieu le 8 septembre. Elle est surtout remarquable par son cadre et par l'affluence des pèlerins. Jocelyn et Ploermel, voisines et rivales, s'injuriaient, et l'on dit encore avec mépris, graisseux, graisseux de Jocelyn, et en parlant des Ploermelais, mangeous mangeurs de galettes moisies.